Puis d'un coup, le patron arrive un jour parce que le patron, il est affilié avec un autre patron, c'est un partnership. Puis le partner, il dit, ouais, il dit ça, ça donne que le partner, il vous aime pas. Le patron, lui, il vous aime parce qu'il travaille toujours avec vous, il vous connaît. Mais l'autre partner, lui, il vous aime pas. Il m'intéresse pas, ce gars-là ou ce fille-là. Mais là, pas. Il y a 51% des bars, puis tu en as 49. Là, ton patron vient de voir, puis il dit, Jean-Paul, je t'aime bien, mais on a discuté, moi et mon boss, puis faut qu'on te laisse aller. Là, il va te donner une raison économique. Là, tu pars. Puis tu as bien travaillé pour lui, t'sais. Puis là, t'es en maudit. Puis le patron, il est triste. Réellement, il est triste. Hein? Ah, t'es dehors pareil. Ah oui. Pas parce que t'as bien travaillé, il va dire. C'est tout du matériel de survie. Fait quand tu te remets à la porte demain, c'est du café à la base. C'est bien dangereux de perfectionner. Il y a des gens qui sont perfectionnistes. C'est un défaut de perfectionner. C'est un abus de soi. C'est un abus de soi de perfectionner. Ma femme, c'est une perfectionniste quand je l'ai rencontrée. Prop, prop, prop. J'ai commencé à y montrer pas la lave-vaisselle. C'était là, la vaisselle. Ah, c'est créé une petite tension. Laisse-les là, les cendriers. Elle se promenait d'un cendrier à l'autre cendrier. T'as pas le temps d'allumer une cigarette. Lâche-les. Lâche la vaisselle. Aujourd'hui, elle comprend. Elle fait plus. Elle relaxe. Dans la machine à laver. La bonne, ouais. Elle a compris. Là, elle vit, là. M'en dis pas de la vaisselle aujourd'hui. T'as même pas cuisine. C'est intelligent. Moi, j'ai demandé une journée de faire des œufs du bacon le matin. J'ai pas de vibration. J'ai oublié de fermer ma gueule. C'est ça, ma femme. On va rentrer à la nuit. Bon, j'ai dit, faut que j'accepte ta position. T'as pas de vibration, t'as pas de vibration. Moi, il faut que je mange. Fait que trouve-moi quelqu'un à faire cuisine. Elle m'a trouvé quelqu'un à faire cuisine. C'est ça, être intelligent. Dans ta vibration. Elle n'a pas vu comme des œufs de 10 ans. Mais là, elle l'a. Une fois que tu es rendu dans ton intelligence, tu es rendu dans ton intelligence. Une bonne nonne, là. Il dit, tiens, on rentre dans la marde. Elle dit que, elle ira chercher vite, c'est pas de million. Elle mettait ses 4 degrés de anyway. Mais il faut qu'elle apprenne le principe. Elle l'a appris le principe. Puis quand je parle du temps, le temps, monsieur en bleu, temps, l'affaire, l'idée est bonne, le temps. Sans ça, vous allez en perdre d'énergie. Ceux qui ont des projets, là, qui me parlent des projets de toutes sortes, là, c'est intéressant. Il y a un temps. Si vous commencez à taponner avec ça, avec vos idées, vous allez en avoir des tensions. Il y a un temps, c'est marqué. Moi, je peux vous dire l'heure puis l'année de ces projets-là. Regarde une tendance. Vous allez en dépenser de l'encre. Entre la vibration puis l'idée, il peut y avoir de l'intuition. Mais de l'intuition, c'est pas assez clair. L'intuition, c'est de la faible intelligence. Ça devient plus... L'intuition, c'est de l'intelligence qui n'est pas sûre. L'intelligence, pas de l'intuition. L'intelligence, c'est de l'intelligence. L'intuition, c'est de l'intelligence. Mais de l'intelligence, pas d'intuition. Subtile différence entre les deux. Puis c'est important pour nous autres de comprendre qu'on sort de la survie petit à petit à condition d'une chose, à condition qu'on comprenne le phénomène du temps et la pression de la survie en fonction de ça. La pression de la survie ouvre les centres d'énergie. La pression de vos survies ouvre les centres d'énergie qui vous sortent de la survie, qui vous font rentrer dans votre temps. Maintenant, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre sortie, c'est le même que ça. La survie, c'est inconsistant avec l'homme, mais c'est persistant chez l'homme. Jusqu'à temps que l'homme en sorte. L'homme a seulement une chose à faire, c'est de savoir que c'est comme ça. Savoir comment ça fonctionne. Une fois que l'homme réalise comment ça fonctionne, la survie devient supportable. Supportable. Fatigant, épuisant, mais supportable. La survie n'est pas supportable quand vous ne réalisez pas ça. À ce moment-là, vous perdez l'énergie, vous découragez. Quand la survie devient supportable, vous ne vous découragez pas, vous vous enragez. Quand vous vous enragez, c'est parce que vous arrivez à la limite d'un aspect, d'une condition à l'intérieur de la survie. Vous faites éclater le chapeau. Là, la survie change. Elle devient plus facile. Et jusqu'à temps qu'il n'y a plus de survie. Tout le matériel de la survie est utilisé par l'art, par l'intelligence. Il y a une chose à l'intérieur de la survie qu'il faut surveiller, c'est que les gens là, qui commencent à prendre conscience, ainsi de suite, là, parce qu'on change au niveau de la personnalité. Il y a beaucoup de gens qui pensent que se conscientiser, ça veut dire sortir du système. C'est pas nécessairement ça. La conscientisation, éventuellement, vous sortira du système. Éventuellement, vous travaillerez pour vous-même. Moi, sortir du système, ça veut dire travailler pour moi-même. Quand tu travailles pour toi-même, tu sors du système, même si tu es à l'intérieur du système. Et quand tu es ton propre patron, pour moi, tu n'es plus dans le système. Quand tu travailles pour un autre, là, tu es dans le système. Mais il y a des gens qui pensent qu'en se conscientisant, ils sortent du système automatiquement, ils cherchent à travailler pour eux-mêmes, puis c'est pas le temps qu'ils travaillent pour eux-mêmes. Parce qu'il y a des conditions pour qu'ils travaillent pour eux-mêmes. Et c'est très, très possible que ces gens-là soient obligés, à l'intérieur de cette conscience, de se replonger dans le système pour développer une sorte de résistance mentale et émotive créée par le système. Pour ouvrir encore plus les sens. Quitte plus tard à sortir complètement du système, autrement dit, de travailler pour eux-mêmes, et ainsi de suite. Mais je vous l'indique, la possibilité d'erreur à votre part, de croire que parce que vous conscientisez, il faut que vous en arriviez à être on your own. Il peut y avoir un temps, ça dépend de la vie de chacun, là. Il peut y avoir un temps avant que vous soyez on your own. Puis vous pouvez être longtemps même à l'intérieur du système, mais rendu suffisamment conscient, vous allez comprendre tellement le jeu que vous allez pouvoir fonctionner à l'intérieur du système et ne pas subir trop le système. D'ailleurs, moi, c'est pas le système qui me dérange. C'est le fait que les gens savent pas vivre à l'intérieur du système. Les gens qui se font vider par le système, au lieu d'utiliser les conditions du système à leur avantage psychologique. Pas le système. Il y a des gens qui ont des bons jobs. Le docteur Rodbeck est dans le système, il travaille comme médecin. Mais il travaille encore pour lui-même, fait qu'il n'est pas dans le système. On peut facilement se faire dérouter par la nouvelle conscience qu'on a. Parce que la nouvelle conscience qu'on a n'est pas encore... Vous savez que de la conscience, c'est pas de l'intelligence. De la conscience, c'est une prise de contact avec un niveau quelconque d'intelligence. La conscience, c'est pas de l'intelligence. De la conscience, c'est un changement dans notre intelligence. C'est ça, la conscience. C'est un changement dans notre intelligence. Mais on n'est pas encore dans l'intelligence pure. Autrement dit, on n'est pas capable encore de se servir de cette énergie-là pour faire ce qu'on veut, autrement dit, pour sortir de la survie. Là, je parle d'une façon universelle. La conscience, c'est pas... La conscience, c'est pas de l'intelligence. Puis l'intelligence, c'est au-delà de la conscience. Quand tu es dans l'intelligence, t'en fais pas d'erreur. Quand tu es dans l'intelligence, t'en fais pas d'erreur. Quand tu es dans l'intelligence, tu sais exactement ce que tu fais. Quand tu es dans la conscience, tu peux faire des erreurs qui t'amènent à développer ta conscience. Quand tu es dans la conscience, tu es encore dans la conscience expérimentale. Quand tu es dans l'intelligence, tu es en dehors de la conscience expérimentale. Tu es encore dans la survie. Là où il y a de la conscience, il y a de la survie. Quand il y a de l'intelligence, il n'y a plus de survie. Mais la conscience t'aide à comprendre la survie, à t'aider à survivre bien. Puis un jour, tu en arrives à sortir complètement de la survie. Parce que tu as une intelligence créative qui te fait agir parfaitement en fonction de ce que tu dois. Là, ta volonté et ton intelligence, tout marche. Les autres marchent devant toi dans ce temps-là. J'appelle ça marcher devant nous autres. Ils marchent, ils nous ouvrent les portes. Mais c'est parce qu'on a compris les mécanismes du temps. Mais dans la conscience, on apprend à travailler avec le temps. Le but de la conscientisation de l'homme, c'est d'apprendre à travailler avec le temps. Parce que l'homme, dans son inconscience, ne travaille pas avec le temps. Il force le temps avec ses idées. Il se crée du matériel de survie. L'homme qui se conscientise commence à travailler avec le temps. Il commence à sentir que c'est pas le temps. Il commence à être capable d'arrêter des mouvements dans l'œuf. Des bonnes propositions, puis dire non. Il commence à apprendre à jamais se mettre sous la vibration d'une autre personne. Aussitôt que tu te mets sa vibration d'une autre personne, tu rentres dans du matériel de survie. Faut jamais se mettre sa vibration d'une autre personne. Quelqu'un a de l'argent pour que tu ouvres une business, puis toi, tu as le talent pour ça, puis il dit, Jean-Paul, viens-tu, on va ouvrir une business ensemble. C'est pas ton temps, Jean-Paul. Dis, c'est pas le temps. Si c'est le temps, tu vas dire oui. Si c'est pas le temps, faut que tu dises non, mais faut que tu le saches que c'est pas le temps. Mais si tu as des idées, là, tu vas commencer à faire des idées, là. Tu vas dire, ouais, j'ai bien des idées, on va se faire... Tu fais ça ensemble, tu fais des contrats. La première chose que tu sais, tu es rendu en business avec le gars, puis tu t'aperçois après que si tu n'as pas une bonne situation. On fait ça constamment. Parce qu'on a tendance à exploiter les possibilités qui tournent autour de nous autres. On les exploite. Parce que ça nous rend la vie plus facile, ça nous ouvre des portes. C'est bien touché. Ils disent que les portes qui s'ouvrent ne sont pas toutes vides. Il y a des portes qui s'ouvrent, mais il y a un mur, là. Tu sais, quand tu ouvres une fausse porte, tu connais le mur. La plupart des portes qui s'ouvrent dans la vie, c'est des murs qu'il y en a rien. Puis quand il y a des portes qui s'ouvrent qui sont vides, on ne les voit pas. On passe à l'autre qui s'ouvre puis qu'il y a un mur dedans. Il y a des gens qui n'ont jamais vu les portes qui s'ouvrent dans leur vie. Il y a des gens qui ont senti, parce que je prends toujours une expérience de dénominateur commun sur le plan sentimental, il y a des gens qui ont senti quelque part dans leur vie, là, ils ont senti quelque part dans leur vie que ne sont pas dans une alliance ferme avec telle ou telle personne. Il y a eu un petit courant qui a passé quelque part dans le temps, là, puis voilà 10 ans, là, le gars, il avait réalisé que sa femme, c'est ça. Mais, il a passé l'autre porte vite pour rentrer dans l'autre porte qui a un mur. La porte vide, il ne voulait pas regarder à la chienne, les enfants, la belle-mère, qu'est-ce qu'elle va dire, mon boss, divorce. T'sais? Je commence à rentrer dans l'affaire du divorce, parce que c'est bien intéressant pour moi l'affaire du divorce. Parce qu'on a peur d'avoir peur. C'est écœurant la survie, comment est-ce qu'il nous arrange ça? C'est au bout. C'est au bout. Quand tu dis que quand tu es intelligent, là, tu es 100% clairvoyant de ta situation. 100% quand tu es intelligent. C'est clair et net. 100%. 360 degrés. Tu sais, quand tu vis à 360 degrés, tu vis bien. Tu fasses n'importe quoi, ça marche. Tu fasses n'importe quoi, c'est bon pour ta santé mentale, émotionnelle, vitale, physique. Tu vieillis presque pas. Comprends? Tu vieillis pas, tu perds pas d'énergie. Tout ce que tu fais, c'est bon. Tout ce que tu fais, c'est bon. Mais on en fait des compromis, nous autres. Les compromis, c'est les vis. C'est la boîte de survie. Les vis, c'est ça qui tient tout le couvercle. Ce qui fait la boîte de survie, là, c'est les compromis. La survie, c'est du compromis. Constant, pendant des années. Éventuellement, on a fait tellement de compromis qu'on ne peut plus sortir de la boîte. On est tous vissés dedans. Tout bon. Parce que pour vivre sur Terre, il faut être intelligent. Si tu n'es pas intelligent, c'est final. Tu es dans la survie. Fait qu'imaginez-vous qu'il y aurait du monde emboîté. Puis là, il y a toutes sortes de situations qui viennent dans le monde pour soulager soulager les excès de survie. Des sectes, des religions, des sociétés d'aide, d'entraide. Il y en a qui essaient de te coller encore plus. Ça, c'est Marriage Encounter, là, ils te collent. Là, ils te pompent pendant 3 jours et tu sors de ta petite pilaire, là. C'est une petite pilaire. Elle a pleuré, puis petit pleure. Puis ils sortent tous les deux, là, bras dessus, bras dessous. Tu sais? Ils s'aiment. Et lundi matin, ça recommence encore. Ils commencent à se douter, là. Ils commencent à se douter, là. Il y a une autre technique, comment est-ce que vous appelez ça? Quand vous mettez ensemble, le monde se met ensemble, puis ils se parlent, là, comme s'ils sont... dynamique de groupe, là? Ouais, la dynamique de groupe, j'appelle ça la dynamite de groupe. Là, ils sont tous en Californie, ça, c'est bien populaire. Là, ils se mettent tous ensemble, là, puis ils se disent leurs 4 vérités, là. Puis le gars, il sort de là, là. Il n'est pas encouragé. Il est démoli. Vas-y. Ouais. Démoli net. La dynamite de groupe. Ça marche. Comprends? Ils t'ont démoli. Ça se parlerait là-dedans. T'es un Christ de menteur. T'es une maudite putain. Fait que tu comprends que la fille, elle sort de là, là il reste plus rien. Là. Le petit matériel qu'elle avait, là, il n'a plus. Il a été culotté pour le vrai. Là, il faut tout la reconstituer. Là. La dynamite de groupe. Marriage Encounter. C'est très bon. C'est pas ça que je veux dire. J'explique la mécanique. J'explique ce que ça peut pas faire, mais ce que ça fait. Ça crée des bons sentiments. Bon. Fait que si t'es un bon moniteur là-dedans, là, il va te moniter pour 3 mois. T'es bon pour 3 mois. Tu retournes au bout de 3 mois, tu continues encore. Si tu suis pendant 40 ans, il va te moniter pendant 40 ans. Il gagne. Mais il faut que tu y ailles au bout de 3 mois, bon. Si t'attends 4 mois, là, l'énergie tombe. Fait que ça va loin la survie. Tu peux pas repatcher ce qui est cassé. Ce qui est cassé, c'est cassé. Ce qui est cassé, c'est cassé. Mais ce qui est cassé, on veut pas le regarder, nous autres, quand c'est cassé. Quand il y a une petite craque, on veut pas regarder. Quand il y a une petite craque. Puis on sait quand il y a une petite craque. On l'a senti quelque part qu'il y a une petite craque. Tu sais. On l'a senti qu'il y a une petite craque. On ne regarde pas. Une petite craque. 2 ans après, une grosse craque. Puis 10 ans après, c'est une séparation. Ou c'est une craque rapiécée. C'est subtil. On a un ami de fille, un ami de femme, nous autres, qui a marié un bonhomme qui s'appelait exactement comme moi. Qui avait mon même nom. Jean Thibault. Pas du bonhomme. Gentil bonhomme. Un vigneur bien, tu sais, quelqu'un de bien, anglo-saxon, tout ça. Prop, prop, prop. Puis, parce qu'il s'appelait comme moi, quand elle l'a rencontré, elle dit c'est ça, c'est un signe du ciel. Là, c'est marié, mais là, il a commencé à avoir des petites craques. Mais il s'appelait comme moi, à pouvoir se faire des petites craques. Faire des petites craques. Puis un jour, elle a été obligée de réaliser que c'est pas parce qu'il s'appelait comme moi qu'il n'y avait pas de crack. Elle a été obligée de prendre une décision. Elle l'a pris. Heureusement qu'elle l'a pris. Ah. Elle l'a pris. Fait qu'on s'en joue des free games. Fait que dans le phénomène de la survie, on est pris de tous les bords, on est présenté constamment des situations. On est présenté des situations, puis on est piégé. On se piège nous-mêmes. Puis c'est d'en arriver à voir à travers des situations, puis c'est ça le discernement que je fais le temps. Mais ça, il faut souffrir. Il faut y faire les gaffes. Mais au moins, avec la compréhension de ce qui se passe, éventuellement, on en fait de moins en moins. Éventuellement, on devient pas mal différent. Fait que la survie, pensez-y en termes comme ça. Voyez-les comme ça. C'est une situation qui sert à vous amener, à vous faire sortir d'elle-même. Et les pressions qu'elle crée servent à changer les vibrations de votre corps mental et émotionnel. Autrement dit, changer votre personnalité, vous amener à utiliser votre intelligence et votre volonté. Autrement dit, voir les petites craques. Puis aussitôt que vous envoyez une petite craque, c'est là que vous agissez dessus. Si vous n'agissez pas cette petite craque, elle va revenir, la craque. Elle va revenir. Si vous avez peur, elle va revenir pareil. Elle va rester là. Puis un jour, vous allez en arriver, aussitôt qu'il va y avoir une petite craque, vous allez prendre une autre décision. D'ailleurs, dans ce temps-là, il n'y avait plus de craque, parce que les décisions que tu as prises ont été prises avec intelligence. Fait que la rod est clean. C'est plus trop laid. Fait que regardez la survie, non pas d'un point de vue existentiel, mais regardez-la comme étant une situation créée de toutes pièces pour votre évolution. Et à ce moment-là, vous ne souffrirez pas de vous-même à l'intérieur de cette situation-là. Selon la pression, vous agirez en conséquence. Mais au moins, vous ne souffrirez pas de vous-même. Il ne faut pas jamais que vous souffriez de vous-même, parce que ça, c'est une illusion terrible de souffrir de soi-même. Mais je pense que les gens sont suffisamment conscients aujourd'hui pour commencer à réaliser et à comprendre de ne pas souffrir d'eux-mêmes. Ça, c'est important. Ça, c'est primordial. Fait que, quelle que soit votre survie, il ne faut pas que vous souffriez de vous-même. Et commencez à vous servir de ce matériel-là, de la survie, pour en sortir. Dans ce sens que, laissez-vous pas abattre par les conditions de votre survie, parce que c'est là. Ce sont ces conditions-là qui sont votre pied d'appui sur votre conscience intelligente et volontaire réelle de demain. Vous autres, vous êtes séparés, vous, votre mari? Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Je vais vous dire, ces deux êtres-là, ce ne sont pas des enfants d'école, ça. Des gens qui ont fait un acheminement dans la vie pendant des années de temps, puis qui ont eu le courage d'avoir la petite craque, de se séparer, puis de se considérer encore en amitié aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Pas des enfants d'école, tout se passe, ça se repointe, ça se lâche, ça se repointe. Mais des gens d'un certain âge qui sont assez intelligents pour prendre des décisions qui sont difficiles à cet âge-là, chapeau. Je vous trouve absolument merveilleux. Absolument merveilleux. Absolument merveilleux. Elle est bien. Lui est mieux. Merveilleux. On a peur du courage dans notre société. On n'en a pas. On a peur du courage. Je trouve ça merveilleux, votre expérience. Absolument merveilleux. Les autres, ils me disent que ça prend des gens qui ont une altesse d'esprit pour faire ça. Une altesse d'esprit. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, en tout cas, mais ça sonne bien. Un esprit haut. C'est ça que ça veut dire. Un esprit haut. J'engage pas tout le monde à le faire. C'est pas ça que je veux dire. Je dis que quand il y a une petite craque, vous voyez la petite craque. Dans n'importe quoi dans la vie. Merveilleux. Comment ça faisait tant que vous étiez ensemble? 30 ans? 30 ans. C'est un contrat, Charlie, ça. 30 ans. Merveilleux. Mais la peur d'avoir peur, c'est tellement viscéral chez l'homme. Tellement viscéral chez l'homme. Que ça nous enlève notre pouvoir de vie. La peur d'avoir peur. Ça, c'est définitif, ça. Ça nous enlève le pouvoir de vie. Dans la vie, on a toujours quelque chose à comprendre jusqu'à temps qu'on n'ait plus rien à apprendre. Laissez-moi vous expliquer ça. Dans la vie, on a toujours quelque chose à comprendre jusqu'à temps qu'on n'ait plus rien à apprendre. Quand on n'a plus rien à apprendre, on n'a plus rien à comprendre. On comprend tout. Puis quand on comprend tout, c'est parce qu'on est dans la vie. C'est plus rien à apprendre. Ça veut dire que l'homme, que l'ego de l'homme est dans la clarté de l'intelligence. Son esprit est dans l'intelligence. Là, la vie devient très facile. Puis elle devient de plus en plus facile. L'homme est dans le pouvoir de l'événement. Le pouvoir de l'événement étant la distribution égale sur le plan matériel des forces vitales. Autant sur le mental que l'émotionnel, que le vital ou le physique. Tout est redonné à l'homme. Tout est redonné à l'homme. Tout. Tout ce qu'il a besoin. Il lui est redonné. Ce sont des lois cosmiques, ça, que tout est redonné à l'homme. Ce sont des lois cosmiques que tout doit être redonné à l'homme. Tout. Tout ce qui lui a été enlevé, tout ce qu'il n'a pas pu vivre à cause de la survie, à cause des conditions de son ignorance, lui sont redonnés. Tout, tout, tout, tout. De sorte que l'homme peut regarder 360 degrés à l'intérieur de sa conscience et voir qu'il a tout ce qu'il a besoin. Il ne manque rien, absolument. S'il y a quelque chose qui n'a pas, c'est parce que c'est pas le temps, il va l'avoir demain, mais il ne manque pas parce qu'il y a toute la base. Il y a tout l'essentiel. Et chaque individu a une essentialité dans sa vie. Chaque homme dans sa vie a une chose que lui a fortement de besoin pour son équilibre psychique. Moi, j'ai le mien. Il y a quelque chose dans ma vie que j'ai besoin pour mon équilibre psychique. Je l'ai. L'homme a ce qu'il a de besoin pour son équilibre psychique. L'intelligence lui redonne tout. Les lois événementielles s'ajustent à sa condition humaine parfaitement. Mais il faut qu'il sorte de la survie. Il ne faut pas qu'il ait peur d'avoir peur. Parce que l'homme a un contrat avec l'âme. Et le contrat avec l'âme, il est divisé en 7 phases, 7 parties. Le premier contrat de l'âme, c'est la mémoire. Donc, l'homme vient sur la terre avec la mémoire d'âme. Le deuxième contrat que l'homme a avec l'âme, c'est son alliance psychologique avec l'humanité à l'intérieur de laquelle il naît. C'est pour ça que c'est si dur de briser des liens sociaux, raciaux. Le troisième contrat qu'il a, c'est un contrat avec l'énergie planétaire qui est totalement contaminée et qui correspond à son émotivité. L'autre, c'est le même, mais qui correspond à son intellect, les pensées du monde, les opinions qui existent dans le monde. Le cinquième contrat, c'est le contrat qui fait en sorte que l'homme est incapable, au niveau de son ego tout seul, de prendre une position absolue vis-à-vis le réel. Ce qui le force à transiger constamment avec le vrai ou le faux. Ça, c'est un autre contrat imposé à l'homme. Sixièmement, l'homme est obligé jusqu'à la conscientisation, jusqu'au moment où il a brisé le lien entre la mémoire d'âme et lui-même, il est obligé de subir émotivement et mentalement la culpabilité de sa race. Et la culpabilité de la race de l'homme, c'est la culpabilité que vous sentez, vous, à l'intérieur d'une nation ou d'une culture, tant que vous n'êtes pas arrivé à un niveau de centricité. Au Québec, il y a une certaine sorte de culpabilité qui existe sur le plan racial. En Chine, il y en a un autre. En Russie, il y en a un autre. En Angleterre, il y en a un autre. En France, en Allemagne. Chaque pays a une culpabilité de race. Et c'est cette culpabilité raciale qui crée les liens de race. Et qui maintiennent l'homme prisonnier, l'individu prisonnier de la conscience collective raciale. C'est très fort chez certains peuples plus que chez d'autres. Chez le juif, par exemple, ou chez les arabes, c'est très fort. Quand tu sors de la race arabe, c'est très pénible au niveau de l'individu. Quand tu sors de la race juive, c'est très dur au niveau individuel. Chez le peuple québécois, la culpabilité est au niveau moral. Aussitôt que tu sors de l'organisation sociale, des patterns sociaux imposés par la société québécoise, les liens familiaux, la belle-mère, toute la patente, là. C'est dur. Sort d'église à 14 ans, c'est dur. Tout ça. Ça, ça fait partie du contrat. Et le septième contrat, c'est la mort. Ça, c'est long. Inconscient. Et l'homme conscient, c'est la destruction de tout ça. L'abolition de tout ça. La neutralisation de tout ça. C'est pour ça qu'à l'intérieur de votre survie, vous apprenez à détruire ceci. Votre survie, ça aide, parce que votre survie, elle est construite de tout ça. Je pourrais vous démontrer que dans votre survie, il y a tous ces sept points-là. Ça fait partie de l'anagramme occulte planétaire de l'être humain. Une condition qui existe seulement dans notre système solaire. Très fort. Votre survie, prenez-la en main, regardez-la en face, réalisez-la avec intelligence, ne la visez pas d'une façon abattue, ne vous laissez pas distraire par le découragement, tenez-vous au bout du mur, vos vibrations vont monter à cause de la pression que crée la survie et un jour vous ferez éclater le mur. Autrement dit, vous verrez très clair, dans votre intelligence, vous aurez la volonté et vous ferez ce que vous voulez. Autrement dit, vous serez en harmonie parfaite avec ce que vous êtes dans l'invisible et ce que vous êtes sur le plan matériel. C'est ce que je vous souhaite tous.